frère, quand le démon m'appelle, je ne sais que répondre. J'ai fait plus de mal que de bien, je redoute déjà ma tombe. Mes cicatrices me rappellent combien j'ai donné pour la rue. J'ai vu 10 fois plus de merde qu'on a lâché ton trou du cul. Le 7-6 c'est ma zone, j'ai grandi parmi les farcas. J'ai jamais rêvé la vie que je mène, car moi je ne m'endors pas. Le chétan lâche pas mes baskets, contrôle mes faits et gestes avant que la merde te tombe dessus. Choisis bien qui tu respectes. Je suis imprévisible, comme le plus calme dans une équipe. Pour te faire voir ce que je vaux, j'irai jusqu'à te montrer mes tripes. On parle de la rue, car nous H24, on la côtoie. J'échangerai volontiers ma place contre un petit bourgeois. J'ai partagé le peu que j'ai, je l'ai partagé aux gens que j'aime. Et si ça serait à refaire, je sais même pas si je referais la même. Le ghetto m'a pourri de l'intérieur, guette toutes mes erreurs. Chez nous y'a pas de conte de fées, juste des films d'horreur. On a donné, donné, sans jamais rien recevoir. On a donné, donné, sans attendre de te revoir. On a donné, donné, plus que l'on devait. On a donné, donné, tout sans rien demander. On a donné, donné, sans jamais rien recevoir. On a donné, donné, sans attendre de te revoir. On a donné, donné, plus que l'on devait. On a donné, donné, sans jamais rien demander. Capuché pour lesquels l'instru va morfler. Capuché équipé, tu vas pas assumer. Si je marche de travers, c'est je dois être Jacques dépété. Je débarque avec mes grosses couilles, on va vous gonfler. Si on sort nos grosses bites, salope, tu vas nous pomper. Ra, on veut du pif, pif, pif. Tu veux nous stopper, pas d'attente, on pif, pif, pif. Rien que ça roule des spliffs, toi, retourne manger ton banana split. Rien que ça bif, bif, ça fait des gros chiffres d'affaires. Pendant que toi, tu te prends des gifs et tu te feras quitter ton mic, frère. La putain de sa mère, je suis sous avant, mémoire arrière, sans un deux temps. Je te mets dans le vent, demande à Tristan, toujours cagoulé, armé avec les gants. Tout cri, c'est pas ici, c'est pas par ra, ra. On a donné, donné, sans jamais rien recevoir. On a donné, donné, sans attendre de te revoir. On a donné, donné, plus que l'on devait. On a donné, donné, tout sans rien demander. On a donné, donné, sans jamais rien recevoir. On a donné, donné, sans attendre de te revoir. On a donné, donné, plus que l'on devait. On a donné, donné, sans jamais rien demander.